comme ça. Ils sont ensemble depuis un mois. Ils s'embrassent devant leurs parents, devant les inconnus, les gens. Mais c'est dans leur lit que se cache toute leur folie. Oui, c'est dans leur lit que se cache toute leur folie. Ce sont de jeunes sauvages qui pratiquent l'amour en cage. Ils sont un peu là, c'est d'eux-mêmes. Voilà bientôt 20 ans qu'ils s'aiment. Les disputes remplacent les baisers. Ce couple prétend même plus baiser. Mais c'est dans leur lit que se cache toute leur folie. Toujours dans leur lit que se cache toute leur folie. Ces deux vieux darons baissent près de leur nourrisson. Il n'y a plus d'attirance désormais. Ensemble depuis 50 longues années. On sent bien qu'ils se trouvent moches entre eux. Alors le vieux couple voyage à Montreux. Et c'est dans leur lit que se cache toute leur folie. Encore dans leur lit que se cache toute leur folie. Ces deux vieux croutons mouriront en position.